Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord de Samuel Girard. Samuel Girard qui a été élu, encore une fois, joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est vraiment très, très intéressant. En fait, c'est la première étoile que Samuel a obtenue. Au cours de la dernière semaine, Girard a compté un but et a amassé 5 passes et a obtenu un différentiel de plus 5. Girard, depuis qu'il est revenu des Prédateurs de Nashville, est vraiment en feu. Le journal Le Quotidien nous apprend ce matin que depuis l'élection du gouvernement Trudeau, on sait qu'on a mis un programme d'infrastructure et la ville de Saint-Félicien aimerait se doter d'un nouveau terrain de football et de soccer de 150 verges par 70 qui coûterait 2,1 millions. Et si le projet est accepté, 1,4 millions seraient payés par ce nouveau programme d'infrastructure. Et un peu dans la même voie, la ville de Saint-Félicien a décidé de déposer un autre projet que cette fois servirait à remplacer le système d'éclairage au centre Marianne-Saint-Gelais, le système mécanique de la climatisation, de même que la stabilisation de la mezzanine au coût de 400 000 $ ferait l'objet de ce projet. Ce nouveau projet pourrait être payé en partie par 70 % par le gouvernement fédéral. Maintenant, on sait que le Challenge Bank National est maintenant terminé depuis dimanche. Hier, dans la section entrevue de DanRadioSport.com, on a parlé avec Caroline Delisle, qui est une des organisatrices du tournoi. Et Caroline Delisle est évidemment très, très contente de la tenue de ce tournoi. Une augmentation de spectateurs qui sont venus voir les matchs de tennis à Ville-Saguenay, pour une fois. Oui, écoutez, cette année, on a eu un petit peu plus de spectateurs. Donc, c'est sûr qu'avec les prestations des Québécoises et des Canadiennes, ça nous a aidé justement à avoir plus de spectateurs au rendez-vous. Et puis, 11e édition très réussie. On a eu d'excellents matchs tout au cours de la semaine en simple, en double. Et puis, on a pu voir justement là, les Québécoises et les Canadiennes à l'œuvre. Donc, les gens étaient quand même assez satisfaits là, de leur semaine là, en termes de pouvoir assister au match et d'apprécier justement le jeu offert par les différentes joueuses qui étaient inscrites. Et dans un deuxième temps, Caroline Delisle nous parle de Bianca Andreescu, qui est vraiment une étoile montante canadienne de tennis. Bianca Andreescu? C'est ça que j'ai dit tantôt. Là, c'est sûr que c'est une joueuse quand même assez puissante. Tout ça. C'est sûr son service, pas seulement son arme. Là, okay. Elle l'a améliorée beaucoup, mais je pense que c'est ça. Il va falloir qu'elle l'améliore encore un petit peu plus. Passer plus de première balle de service et tout. Puis, c'est sûr qu'en fond de terrain, elle est quand même solide. Là, elle frappe assez lourd, puis capable d'échanger longtemps. C'est sûr, je pense que la grande qualité, c'est qu'elle est très compétitive. Puis, ouais. Je vous dis qu'elle compétitionne beaucoup sur un terrain de tennis. Puis, elle veut gagner. Donc, ça, en partant, là, c'est assez important. Je veux dire, quand elle embarque sur le terrain, c'est pas pour perdre. Puis, je vous dis qu'elle va livrer, là, elle va donner tout ce qu'elle a. Puis, elle va toujours essayer de livrer les meilleures performances possibles. Fait que je pense qu'elle a beaucoup de caractère, puis c'est ce que les gens ont apprécié d'elle aussi. Là. Et on a évoqué un possible changement de date, et là-dessus, Caroline Delisle mentionne que l'organisation du Challenge Bank National devra savoir plus long lorsqu'ils feront le post-mortem. Ben, écoutez, là, on n'a pas vraiment discuté encore, dans le sens que oui, on s'attend qu'il peut y avoir un changement de date, mais là, il faut voir aussi peut-être qu'il y aurait une autre possibilité. On va attendre que Tennis Canada, mais ça va quand même rester pas mal dans le même mois. Là. Je pense pas qu'il va y avoir trop de changements à ce niveau-là. Mais on va en savoir un petit peu plus au fur et à mesure là, que c'est ça, on va faire notre post-mortem et puis on va attendre les nouvelles de leur part aussi. Là. OK. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Caroline Delisle. On a fait le bilan du Challenge Bank National. Je me suis également entretenu aussi avec Sébastien Morin, le descripteur des matchs des Saguenayens. C'était le retour de la chronique des Saguenayens de Chicoutimi. Le sport local et régional? À DanRadioSport.com, on s'en occupe.